Voilà, ah. J'aurais pu le faire sans micro alors. Oui. Eh bien, bienvenue à Café Philo Haïti, bienvenue à Pain Haïti. Et ça, c'est un Café Philo très spécial. Et j'aime cette version de Café Philo parce que Café Philo nous prend d'un point et nous conduit ici. Et j'ai comme ça me rappelle quand on part en pique-nique, quand on part en randonnée. Donc désormais, on peut partir en pique-nique, on peut partir en randonnée, on peut partir aussi en Café Philo. Et nous sommes en Café Philo ce soir. Mais sinon, le format ne changera pas. Les habitués de Café Philo le savent déjà. Et ceux qui vont prendre ce soir connaissance avec cette activité, eh bien, on commencera d'abord par saluer la patrie par la dessalinienne. Ainsi, je vous demande à vous mettre debout pour entonner ensemble l'hymne national. Merci technique et on enchaîne tout de suite avec la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre. D'accord. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol la bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Se llevará. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para plantar la bandera con la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, se llevará. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. De Café Philo, c'est le moment de poursuivre avec le documentaire. Et aujourd'hui, la technique a préparé pour vous un documentaire ayant pour titre Soti Meringue pour arriver dans le combat direct. Bon documentaire. Le tambour folklorique, par exemple, j'avais des jeunes au cadastre Ibo Souli, dans son Congo, après venait, et il y a des belles Congo dans des jeunes. Le café donné un goût, par exemple, maman, oui, il me faisait café. Toute musique, j'avais des jeunes, c'était, enfin, on peut dire, le pape. Et ce sont des musiques qui étaient chaudes. Et quand on allait dans les bacs, il n'y avait pas moyen de s'asseoir. C'était pour une amie. Dans le quartier de la rue du Centre, qui était un quartier extraordinaire, qui était gagné. Et le quartier général Récine, le prison, celui de Gozag, lycéa, etc. C'était un petit groupe qui commençait à former. On banjo, on voit avec une sorte de maniou l'homme autour. Où il est d'or. Pierre Richet, Hercule Rousseau, l'idée des trios des jeunes. La suite, ils ont mis dans l'autre monde encore là-dedans. Ils ont mis les quatre-têtes des jeunes. Ils ont mis dans l'autre grain de monde encore. Ils ont mis les quintes-têtes des jeunes. Ils ont mis dans l'autre monde encore. Ils ont mis les sextes-têtes des jeunes. Là, on vient ajouter l'autre monde encore, on vient mettre en trompette, on vient les jazz des jeunes. Pierre Blin est devenu populaire grâce au jazz des jeunes. En 1946, il se rendit à Cuba, où il passa 8 années et avait fait ses premières armes dans l'orchestre de Chipping Choven. Des jeunes gens, des aussi gens anciens, style de musique, c'est que l'on si a sauvé juste Murat. On a Murat, qui était orchestré pour lui, qui était un bon musicien. On a eu un bon musicien. On a eu un bon musicien, tout est concentré. Quand il est un bon, quand il est tel que lui mal. Parfois, il y a un disque, lui mal, pour lui encore. Pourtant, il est un bon chanté. Pour chanter. C'est un bras extraordinaire. Il dit, pas qu'on est, pas besoin qu'un micro, pas qu'un micro, ou bien voir. Au contraire, leur chanter, font-ils reculer et puis ouvrir. Presque. Il a défi ça à chanter. Il était chanteur, on chantait pour le président Magloire. Nous demandons tout le peuple est avec nous. Papa, il s'est dit fatigué, moi j'ai misère. Moi, la fille, la c'est misère. C'est tout un peuple qui ont été qu'a perdu. Pour te coller, l'office a été ouvert la bouche. C'est pas ton petit barail, non? Fissa, bah j'en ai un droit à oublier. Li mouri nan mizèr, li mouri sou ray. Mal nan terman. Mwen pote fle. Mwen feti semyo. Aliye yo. Aller dans l'enterrement, marcher devant qu'on y a l'humain. Me sentir une douelle, ça. Son musique qui va tout danser. Facile à danser, facile à retenir. Pour que dans nos carreaux, il va danser. Son musique de danse. Il va chercher. On est engagé, ou bien pour chercher des tournures, dans l'esprit, ou pour projeter. Ou même, il va dans tout bas. Ne vous lis même pas dans tout bas. Mais pas oublier tout, que l'idée aidée en cela. Par des musiciens qui étaient des élèves d'Auguste Bruno, qui considère la pépinière pour les fanfares et la musique palère, qui est bon lecteur. L'idée est dans cela, vous voyez, partie du roseau, qui est excellent accordéoniste. L'idée est dans cela, par Julien Paul, que voix n'est pas extraordinaire, mais son voix que Wattmet. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que quand je chantais avec le mot grenadiste, c'est l'une de mes propositions que j'aime le plus. Et je tiens à le bruit de Villa Mouria commence à jouer sur les voix. C'est une moisée, mais pas enregistrée, jusqu'à tout récemment. Alors, Arthur Diodou, Weber Sico, en tant que saxophoniste, et pas qu'elle a coute, coute. C'est pas pour ni notre frère Weber Sico, qui a joué trombone avec les trompettes. C'est deux musiciens qui sont vraiment, vraiment capables. C'est pas musicien comme ça, non. Et tous les deux étaient très bons. Je faisais le voyage jusqu'au Cap. Voilà, oui, je faisais le l'orchestre, etc. Et Toby Dana aussi, monsieur. Bonsoir, nous venons de visionner un très beau documentaire sur la musique haïtienne et particulière. Voilà. Et vous le savez, Café Philo offre aussi cette possibilité de réfléchir sur tout ce qui se passe autour de nous. Et cette séance de Café Philo devait se tenir il y a déjà longtemps. C'était à l'époque du carnaval et nous y avons tenu. Et ce soir, vous êtes conviés à réfléchir avec nos invités, avec nos intervenants sur les merengues, le thème, vous l'avez sûrement reçu, c'est le carnaval haïtien, merengue d'aujourd'hui et d'autrefois, différence, enjeux et perspectives. Et pour aborder ce sujet, nous avons deux intervenants. Il y a Philippe Saint-Louis, que certainement vous connaissez, il est plasticien, il a eu une carrière assez intéressante dans la radiodiffusion en Haïti, 23 ans de carrière dans la radiodiffusion, il a participé, bon il se connaît, il a participé à plusieurs comités de carnaval, en 90, en 91, en 92, et il est aussi manager de jazz, donc là il s'y connaît. Et nous avons notre Jenny Williamson Casimir qui est sociologue, membre de Café Philo. Mais avant de vous passer les intervenants pour leur communication, j'appelle le coordonnateur général de l'association culturelle Café Philo Haïti, Ralph Jean-Baptiste, qui pour une mise en contexte. Merci Billy de faire appel à moi et de m'offrir cette grande opportunité de parler devant ce public et dans cet espace où nous n'avons plus mis les pieds depuis environ 3 ans, Gaël, Billy Midi, Léon et moi, puisque nous avons occupé des fonctions ici au Centre Pen. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que plus de 3 ans après, le Centre Pen continue à fonctionner, continue à ouvrir ses portes, continue à accompagner des jeunes dans la lecture, en leur offrant une bibliothèque à la fois munie de textes qui sont disponibles en support, sous support papier et de livres numériques. Je veux profiter de l'occasion pour remercier au nom de l'équipe que je dirige, je veux parler de l'association culturelle Café Philo Haïti, le Centre Pen, notamment Jean-Eiffel Mussé, qui a bienveillamment ouvert cet espace pour nous aujourd'hui pour faire ce Café Philo. Je veux également saluer mon ami, notre ami Potchev Lavoie-Opon, qui est poète, Pompeuse, qui est un très bon ami à nous et avec qui on a fait tellement de choses. C'est un souvenir inouï que de me retrouver ici avec ses amis, avec qui je savais venir ici, avec qui j'ai partagé de bons et de mauvais moments ici, et aussi avec de nouveaux amis, c'est-à-dire des gens qui nous ont rejoints en chemin. Je ne veux pas citer de nom. J'espère qu'ils sauront se reconnaître dans cette aventure. Encore une fois, c'est une opportunité qui m'est offerte de saluer des gens qui sont présents dans la salle et qui suivent pas à pas ce que nous faisons. Je pense à Audi Stanley Pen, qui a fait un livre sur jeunesse et politique en Haïti. Je pense à sa femme, Daniela Jacques, qui, d'une manière ou d'une autre, travaille à offrir un autre regard à ce qu'il, pour ce qu'il s'agit de la jeunesse en Haïti. Je salue aussi Jean-Billy, mon désir, qui est écrivain, poète, qui vient de faire paraître un texte dans le cadre de ce concours, de la dernière édition du concours du Prix des Champs, qui s'appelle « Il fallait revenir un soir », c'est un récit. Très prochainement, on va le recevoir à Café Philo. Je salue donc tous les amis de Café Philo. Je veux donc prendre un temps pour inviter ceux-là qui nous rejoignent depuis maintenant 3 mois à comprendre que dans notre tête, ce n'est pas du tout facile que d'inviter des jeunes à faire quelque chose dans lequel nous nous inscrivons depuis quelque temps, qui s'appelle un pèlerinage. Nous avons même fait un projet il y a deux ans, à Café Philo, qui s'appelle pèlerinage artistique et philosophique. C'est-à-dire que nous sommes en train de donner chair, de donner vie à ce concept. Nous bougeons beaucoup cette année. On a commencé avec Jacques Mel, on est déjà à Ambiance, on sera probablement à Campérin, à Jérémy, pour les mois de mars et de mai. On sera probablement à Montréal pour les couleurs d'Haïti à Montréal, un très grand festival, très grand lieu de rencontre et d'échange. Nous sommes aujourd'hui au Centre Pen, mais nous sommes aussi un autre regard, si vous voulez, sur ce que l'on peut appeler la jeunesse en Haïti. Cette façon, par exemple, de prendre la parole et de pouvoir convaincre sans que l'on ait besoin d'avoir 50 ans. Cette façon d'être moi, cette façon aussi, en étant moi-même, de dire qu'il y a des gens qui nous ont devancés dans ces mêmes espaces et qu'il faut honorer, qui ont bossé pour nous, qui font que nous pouvons parler comme ça, qui font que nous pouvons, à notre tour aussi, nous inscrire dans cette dynamique-là, de proposer des espaces alternatifs, des espaces culturels alternatifs. Nous sommes ici en un mot pour dire non à la bêtise, comme auraient aimé le dire d'autres gens, mais aussi pour ouvrir une perspective qui est plus large. La discussion avec une éthique, avec la possibilité d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. La possibilité, par exemple, de revoir quelque chose ou de voir quelque chose, de projeter un regard sur quelque chose qui ne parle pas beaucoup aux jeunes que nous sommes. Le carnaval haïtien dans les années 50. Moi, si je n'avais pas lu Edwin Ersenville, si je n'avais pas lu un très bon texte en deux tomes, en trois tomes, je crois qu'a fait Jacques Préval, qui est un cousin de l'ancien président René Préval, je n'ai rien appris, à part les textes de France Officielle, naturellement, que Maximilien Laroche, dont Maximilien Laroche en a fait l'écho dans ses différents livres. Je n'aurais peut-être pas connu grand-chose sur ce temps-là. Je pense que nous avons une imagerie qui témoigne de ce que nous voulons faire en définitive. Nous avons Philippe Saint-Louis, qui est plus âgé que quelqu'un d'autre, qui est Casimir Jenny Williamson, qui vont tour à tour parler de leur lieu, dans le cas de Casimir, de sociologue en formation, et dans le cas de Philippe Saint-Louis, de quelqu'un qui, comme Jean-Billy vient de le dire, qui a une grande expérience au niveau de la radiodiffusion, au niveau de l'organisation des activités culturelles en Haïti. Je vous salue tous et toutes et je vous souhaite un très bon café philo et surtout longue vie à ce que nous faisons. C'est très important, il ne faut jamais le faire. Merci. Merci Ralph Jean-Baptiste. Et c'est le moment de passer le micro aux intervenants qui auront chacun 20 minutes pour leur communication. C'est d'abord Williamson Casimir qui vous entretiendra. Merci à vous tous qui avez pris part à cette activité. Je vous remercie beaucoup. Je dois remercier Billy qui me donne l'occasion de réfléchir sur la question du carnaval, d'autant que moi personnellement, et à deux reprises, j'ai eu l'occasion de prononcer deux interventions sur la question. Et ce qui fait que, dans une certaine mesure, je pense que le carnaval, à la fois comme intellectuel, mais également comme observateur, comme haïtien, doit à la fois m'interpeller, mais également interpeller vous tous ici présents. Je ne vais pas être trop long, puisque, comme vous pouvez le remarquer, il commence à pleuvoir. Et je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais je vais essayer autant que faire se peut aller plus vite, puisque je vous ai préparé quelque chose, je vais m'écouter. Et je vais à la fois parler en français pour au moins créer une certaine ambiance, pas pour faciliter la compréhension, je pense que c'est peut-être comme compréhension, mais quand même pour essayer de... Voilà. Alors, la première chose que je dois dire, j'aimerais quand même apporter quatre petites mises au point avant de parler de la question. D'abord, je n'ai pas une bonne connaissance musicale, ce qui fait que je n'ai pas parlé de musique au sens musical du terme, au sens rythmique, mélodique, harmonique. Je vais laisser le soin à celui-là qui est à ma gauche, en l'occurrence, c'est lui de pouvoir épiloguer longuement sur la question. Et deuxièmement, puisque je suis jeune, vous pouvez le remarquer, les textes que je vais, ou encore les minéraux camarades que je vais considérer, s'étendent sur la période allant de 1995 à 2016. Je ne vais pas parler de 1950, puisque je ne connais pas du tout cette période. Néanmoins, je dois quand même vous dire que nous avons choisi à Café Philo de réfléchir sur le carnaval parce que nous estimons que Il y a plusieurs façons de vivre le carnaval. Vivre le carnaval pour nous, c'est réfléchir, c'est l'éprouver par la pensée. Parce que nous pensons que, avant tout, le carnaval, quoi que ce soit une pratique musicale, mais c'est avant tout une pratique sociale, une pratique culturelle. Et en tant qu'il est une pratique culturelle, il est soumis, dans une certaine mesure, à l'entendement. La troisième chose que j'aimerais quand même vous dire, c'est que pour ma part, je crois très sincèrement que les migrants carnavalesques sont les témoins, à mon avis, du carnaval en général. Parce que, en fait, ce qui nous reste du carnaval, ce sont, pour ainsi dire, les migrants carnavalesques, les musiques, les discours. Ce qui fait que, moi, ce qui va m'intéresser dans ma petite communication, c'est en réalité, les discours, je dirais, arrachés du côté musical à proprement parler. Je vous ai préparé quelque chose sur le carnaval, je vais laisser tomber pour, au moment des questions. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que je pense que le carnaval est, à mon avis, une intelligibilité locale, une intelligibilité totale. C'est-à-dire que je pense que c'est une façon, par certains acteurs, de dire Haïti, de lire Haïti, de réfléchir sur Haïti et de dire comment ils comprennent cet Haïti-là. Et en ce sens, je pense qu'il y a... Je vais parler à ton et à travers. Je pense qu'il y a certains traits à travers lesquels on peut saisir ce phénomène. D'abord, ça saute aux yeux. Le carnaval est avant tout une langue. Une langue, c'est-à-dire une langue qui se crée, qui est créée et qui s'affranchit de plus en plus du langage ordinaire. Je vais prendre l'exemple des titres de plusieurs méringues. Par exemple, Kaepai. Il y a des mots qui se créent en Haïti grâce aux méringues, Gaïpaï, la lose, notamment. Tout mot ça en général, que en général, je ne vais pas l'utiliser dans le carnaval, alors on va l'utiliser après, mais c'est des mots, en plus fois, c'est dans le carnaval du sorti. Par exemple, dès qu'on prend un mot pour Zizirit, c'est façon pour nous dire que c'est un espace de création, c'est un langue propre. Le carnaval aussi est aussi une esthétique. Une esthétique, alors je parle des méringues carnavalesques, une esthétique au sens où c'est une façon de vivre son corps d'une certaine manière. Par exemple, il y a des méringues carnavalesques où l'on fait la promotion de certains vêtements. Je me souviens lorsque j'étais petit du carnaval de Kinpassé, de cette fameuse phrase, je ne me souviens pas trop bien, du mec, maman, mes bottes là. Son façon, par exemple, pour monsieur, ou encore monde qui pose des paroles ça pour le dire, c'est. Il y a une occasion pour parler de un type de vêtements ligotés et vêtements ça sont moyens pour l'identifier, sont moyens pour dire tête on gens pour valoriser. Donc c'est une façon pour nous dire que le carnaval n'a pas seulement on langue, mais c'est en façon c'est un mode. D'ailleurs, il suffit d'accorder une petite attention, je dirais, au costume carnavalesque pour se rendre compte que les méringues ou encore le carnaval est le lieu où l'on propose de nouveaux vêtements, de nouvelles façons de s'habiller, de s'offrir au monde. Le troisième trait, à mon avis, des méringues, c'est que je pense que les méringues sont aussi l'expression de marché. Il suffit que nous regardions facilement, nous regardons des vidéos, nous prenons compte que méringue carnavalesque, c'est un entrée. Oui, ce serait mieux parce que... Ah oui, parce que... Abkhazie. Bon, ok. Abkhazie, Paolo. Les bambes Abkhazie. Si, alors. Par exemple, chez un, on l'a si monté au chita son chaise, s'il qu'à la velle. Tout le monde qui a une chaise, ça va sur le territoire. Si on a pris une chaise, on l'a pris. Non, ça fait l'eau, on va la déplacer. C'est ça, on l'a pris ensemble. Oui, on va la déplacer. On va déplacer. S'il vous plaît. Vas-y, viens. Sous-titrage